via di Spino, eh? J'assure au pieu et que le lit prend feu. Si avec des si je te fais monter dans les cieux, ce n'est pas entre tes cuisses que naîtra le bonheur. Il n'y a qu'après l'amour que j'entends battre mon cœur. Simple locataire de ton corps, de ta chair. Toi la proprio de toute ma vie sur cette terre. Elle m'a trouvé beau, moi le bébé du ghetto. Ça groove dans les salles, écoute, suis la réal. Box office, mais que fait la police? Doc J fait swinguer les miss. Comme une fusée dans l'espace, passe, traverse le temps, face et il trace. Yes, défie ses adversaires dans les face à face, accomplit sa mission et s'efface tout mort.